LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Bien, rapprochez-vous. Bon, rapprochez-vous. Alors, d'abord, je voudrais vous féliciter d'avoir monté toutes ces marches. En montant ces marches, vous avez marché dans les pas des pèlerins du Moyen-Âge. Et pendant des siècles, ce rocher fut un des plus grands pèlerinages d'Occident. Hein, si on vous parle de pèlerinage, de chemin de pèlerinage, vous pensez immédiatement à Saint-Jacques de Compostelle. Oui, oui, oui. C'est la huitième merveille. Non, non. Les merveilles du monde, c'était des merveilles de l'époque antique. Et à l'époque des Grecs et des Romains, ici, il y avait des bêtes sauvages et presque rien. Non, c'est la merveille de l'Occident. C'est déjà pas mal. Voilà. Puis les autres, elles n'existent plus pour la plupart. Donc la nôtre nous suffit. Voilà. Mais en tout cas, pour les pèlerins du Moyen-Âge, c'était effectivement une merveille. Et quand ils découvraient ce lieu, après avoir traversé pour la plupart l'Europe à pied, eh bien, ils avaient vraiment l'impression d'arriver aux portes du ciel. Voilà peut-être pourquoi, au XIIIe siècle, il y a une partie de l'abbaye, un énorme bâtiment qui a été édifié sur le côté nord, qu'on appelle la Merveille. Le Mont Saint-Michel, les chemins du paradis. Pourquoi nomme-t-on cette abbaye la Merveille ? Alors, là encore, c'est une précision qui mérite d'être apportée. Ce n'est pas le Mont Saint-Michel que l'on appelle la Merveille. C'est bien le bâtiment dans lequel nous nous trouvons, cet immense bâtiment adossé côté nord, qui s'appelle la Merveille. La Merveille de l'Occident, c'est réellement cette réalisation de cette architecture gothique de l'aube du XIIIe siècle, qui s'impose comme un chef-d'œuvre absolu et qui imposera le respect pour aboutir à cette évocation de la merveille de l'Occident que l'on retrouve dans les textes au XVIIe siècle. Mais pourquoi ce terme ? Qui a choisi ce terme ? Vous savez ? C'est vraiment une évocation que l'on trouve dans les textes, la merveille de l'Occident, qui est sans doute liée à la singularité du lieu dans lequel nous nous trouvons. Singularité qui s'impose presque de temps immémoriaux par cette silhouette géologique d'un rocher implanté dans la platitude de la baie, mais singularité aussi d'une architecture voulue audacieuse et ô combien, et notamment de ce bâtiment de la merveille. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, lorsque l'on arrive au Mont Saint-Michel, l'on arrive par le sud. L'on arrive par des accès qui se sont figés, cristallisés sur le versant sud du rocher, lorsque est réalisée la route d'Aigues en 1879. Et c'est oublié qu'autrefois, les pèlerins qui venaient dans la baie du Mont-Saint-Michel, qui s'écriaient « Montjoie Saint-Michel » lorsque, sur les crêtes du littoral que l'on devine dans le lointain, ils voyaient pour la première fois ce rocher, étaient contraints de contourner toute la baie du Mont-Saint-Michel et de venir jusque sur le rocher de l'Archange, par un itinéraire venu du nord. En d'autres termes, si aujourd'hui l'on voit le Mont Saint-Michel, cette silhouette iconique par le sud, les pèlerins, au Moyen-Âge, eux, ne le voyaient vraiment et ne le découvraient pour la première fois que lorsqu'ils venaient du nord. Tandis que côté sud, le Couesnon, ce fameux Couesnon qui, dans sa folie, aurait placé le mont en Normandie, eh bien lui, avec un lit plus profond, un cours plus impétueux, avait lui tendance à se déplacer dans la baie, à rendre quasi impossible, voire extrêmement dangereuse, la traversée. Oh! Deux fois par jour, matin et soir, la mer entoure le mont sans qu'on puisse l'atteindre tant qu'elle ne s'est pas retirée. Mais le jour de la fête de Saint-Michel, la mer n'encercle pas le mont. Elle reste immobile comme un mur à droite et à gauche. Sur les chemins de paradis se pressent les pèlerins, empruntant les chemins montois. Écartés de la communauté, ils viennent en pèlerinage judiciaire, une tarification des délits en voie au Mont-Saint-Michel ou à Saint-Jacques. Ils viennent d'Allemagne ou d'Italie, gravissent les cols et bravent les dangers par simple dévotion. Rabelais les surnommera plus tard les Micolos, et le nom est resté. Ici, la mer terrible et bienfaisante lave les péchés et obéit à Saint-Michel ou à la Vierge. Brisée de peur ou de fatigue, elle ne pouvait bouger un pied. Elle ne savait que faire ni où se tourner. Elle criait, hurlait de terreur et d'une voix lamentable invoquait la Vierge ou l'Archange. Tout le peuple sur le debout du rivage levait les mains au ciel. Il parut à cette femme que la Vierge étendait sur elle son manteau et la préservait de l'assaut de la mer au bruit terrible. Pas une goutte ne l'atteigna et là, elle accoucha. Son fils fut baptisé Péril. La traversée de la baie, c'est en fait, aujourd'hui comme hier, le moment qui couronne en quelque sorte cette itinérance, ce pèlerinage, puisque c'est un moment symbolique de passage à travers, comme l'eau baptismale, de la mort, de la vie terrestre à la vie spirituelle. Et il y a vraiment toute une symbolique vers la Jérusalem céleste à travers les dangers de la traversée. On parle de Saint-Michel au péril de la mer, tout le monde en parle couramment. Il y a aussi des proverbes qui au Moyen-Âge disent « si tu vas au Mont-Saint-Michel, fais ton testament avant ». Et ce rapport à l'eau, ce n'est pas une eau miraculeuse, c'est une eau périlleuse. Mais on a aussi toute une symbolique avec les Hébreux traversant la mer Rouge et les flots qui s'ouvrent devant eux. Si nous étions dans les pas des Micolos du Xe siècle, que voit-il ici ? Le Micolo, aux alentours de l'an 1000, découvre, quand il se rapproche de la baie, découvre un paysage où effectivement le rivage arrive sur le bord du chemin. Les herbus sont de création récente. Parce que derrière nous, des moutons et des tressalées, et devant nous, le Mont-Saint-Michel, qui est à peine peut-être 2-3 km là devant nous, en traversant la baie. 6-7, quelque chose comme ça. Comme il est dans la brume, on a du mal à lui donner une consistance physique. Quand les Micolos arrivent ici, ils sont harassés. Certains ont pu marcher durant de nombreux jours. Oui, ils sont venus à pied, à cheval, avec un âne pour porter leur bagage, avec toutes sortes d'équipements et avec des moyens économiques variés, bien sûr. Mais ils arrivent et il y a des sites qui sont intéressants comme l'ancien hôpital du Gué de l'Épine. Qui est juste derrière nous. Juste derrière nous, qui est en contrebas d'Avranches, qui est une fondation d'un seigneur de la fin du XVe siècle, Jean de l'Aigle, des petits hôpitaux de 12 lits pour accueillir des pauvres passants et des pèlerins. Ils fondent en fait ce petit lieu d'accueil, cet abri spirituel pour pèlerins, pour Micolos, disant que les pèlerins n'avaient pas d'abri en attendant la marée et que certains étaient effectivement harassés, qu'ils avaient besoin d'un gîte et d'un couvert pratique et spirituel. Le chemin était long et périlleux, on pouvait mourir en chemin. Oui, bien sûr. C'est aussi un des aspects malheureusement intéressants pour l'historien, puisque quand il arrive quelque chose, il y a une mention. On parle plus des trains qui déraillent que des trains, mais qui arrivent à l'heure. Donc, quand vous avez un pèlerin qui est décédé au XVIIe siècle sur un chemin, il apparaît dans les registres de catholicité pour sa sépulture, pour son inhumation. Et on saura, comme ça, d'où il venait, quels étaient ses compagnons de voyage, puisque ce sont eux qui l'ont porté en terre. Et on a sans doute une mortalité résiduelle ou habituelle sur ces grands voyages avec les risques de mauvaises rencontres, puisque les croix sur les chemins, par exemple, ce ne sont pas des croix de balisage, ce sont des croix de carrefour qui protègent contre la mauvaise rencontre dans le carrefour. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête et ne pas chercher un balisage physique dans le patrimoine monumental d'aujourd'hui. Rien n'est indiqué finalement, rien de signifiant sur la route, rien de, aucune balise particulière. Au Moyen-Âge et au siècle postérieur, il n'y a pas de balisage. Il n'y a pas de marquage, ni physique, ni panneau à l'entrée de ce qui n'est pas encore des communes, mais des paroisses. Et il n'y a pas vraiment de guide itinéraire non plus. Les pèlerins, comme les voyageurs, comme les marchands, comme les soldats, prenaient les grandes voies de communication de l'époque. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir où ils se trouvent par rapport au réseau des grands chemins, qui sont ceux qui a précédé les routes royales et les routes nationales d'aujourd'hui. Et je dis sous forme de plaisanterie souvent que le chemin historiquement le plus court de Caen-Mont-Saint-Michel, c'est l'actuelle autoroute A84. Demain, jour de l'Ascension, ce n'est pas si grave si les gens prennent l'autoroute pour se rendre au Mont-Saint-Michel. Non, quelque part, on est tous dans une continuité et on a les mêmes étapes sur le chemin. Une digue depuis le 19e siècle facilite l'entrée au Mont-Saint-Michel. Chemin praticable ou aventureux, avec la cohorte dans la navette ou par le sud et les herbus, libre à vous de choisir. Pèlerins et visiteurs se mêlent sans distinction dans l'unique grande rue. La route reste bien étroite, celle qui s'élance vers le ciel. On marche depuis mardi matin, on n'a pas arrêté, on faisait à peu près 35 km par jour. Hier on a dû en faire 40. Et en fait, on est parti sans rien, on est parti sans argent, sans téléphone. Le minimum. Ouais. Et on se faisait accueillir chez les personnes. Et on. Mais en fait, on toquait, on leur demandait si jamais ils pouvaient nous accueillir pour qu'on puisse manger, ou si jamais ils pouvaient nous prêter une douche, ou si jamais on pouvait dormir chez eux. Et on a été accueillis presque tous les jours. Et vous demandiez à n'importe qui? Oui, on toquait. Alors, soit on toquait et les personnes nous ouvraient. Généralement, elles étaient très bienveillantes. Ou alors, des fois, on se faisait même accoster dans la rue. Et les gens nous demandaient ce qu'on faisait, où on allait. Si on avait besoin d'aide. Voilà. Et pourquoi venir au Mont-Saint-Michel? C'est un grand lieu de pèlerinage. Et du coup, comme tout lieu de pèlerinage, on voulait un peu se dépasser pour y arriver. Après, pourquoi le Mont-Saint-Michel? Habitant à Caen, c'est pas trop loin. Et on a voulu suivre les pèlerins d'avant, les Miquelot. Et donc on a suivi un peu les chemins qui étaient balisés au début. Puis après, par manque de temps, on a dû prendre les départementales, mais c'est une démarche assez spirituelle aussi de venir ici. Vous croyez aux saints et aux archanges? Oui. On en a beaucoup prié. Tout le long de la route? Oui. Et ça nous a beaucoup aidés. Ouais. De rien, Ils ont veillé sur nous aussi, c'est pour ça qu'on n'avait pas peur. Ouais. On était sous leur protection. Alors lesquels? Saint-Michel, beaucoup. On prie aussi la Vierge. Ouais. La Vierge, en disant le chapelet. Voilà. Mais à un moment, on a bien vu que on n'arrivait pas à trouver de maison pour nous accueillir. Et là, on a prié un peu et la maison d'après, elle nous ouvrait sa porte. Ouais. Vous avez quel âge? J'ai 18 ans. 18 ans aussi. Je viens d'en avoir 19. Vous êtes l'aînée. Oui. C'est pas de beaucoup. Non. Manger. C'est vrai? Ouais. Juste, vous avez une envie d'une omelette? Non, ça va. Merci, je fais attention à ma ligne. On vient pas manger au Mont-Saint-Michel? Non, on vient aussi. C'est une complète destination? Non, on vient juste aussi profiter du bon endroit, mais on a fait pas mal de routes, on est un petit peu. Mais il y a un peu tout, là. Quand on arrive au Mont, il n'y a qu'une seule entrée. Ah, il y a n'y a qu'une seule entrée, mais il y a trois portes successives. Hein. C'est lié à la fortification du village. Et entre deux portes, il y a une cour qu'on appelle le boulevard, et où se trouve une institution du monde, qui est la mère Poulard. Alors, Madame Poulard est presque aussi célèbre que l'archange, disent certains. En fait, elle est arrivée au Mont, jeune fille, dans les bagages de l'architecte en chef, qui s'appelle M. Corroyer. Et M. Corroyer arrive avec son épouse et sa bonne. Et Annette, Anne Poutiot, de son vrai nom, elle est née à Nevers, en fait. Elle est montée à Paris pour devenir bonne dans une maison bourgeoise. Annette va tomber amoureuse du Mont Saint-Michel et accessoirement... sans doute du fils du boulanger, Victor Poulard. Les Poulards, c'est une vieille famille du Mont. Et ils vont reprendre une des vieilles auberges du Mont, l'auberge où, quelques décennies plus tôt, Victor Hugo était descendu. Et cette auberge, ben, elle se trouvait là où se trouve aujourd'hui la Poste. Et dans la Poste, qui a été reconstruite dans les années 30, il reste une cheminée en granit du XVIe siècle. Et c'est là qu'Annette a commencé à faire ses célèbres omelettes. Alors pourquoi des omelettes? L'omelette, c'est une raison simple, c'est que les visiteurs qui descendaient de l'abbaye étaient affamés. Après avoir passé des heures à visiter ce monument immense, ils avaient faim. Et la première chose qu'on leur servait, tout de suite, c'est facile à préparer, c'est rapide. Puis il y avait des poulaillers partout dans le haut du village, donc on avait des œufs en quantité, c'est l'omelette. Et évidemment, quand vous êtes mort de faim et qu'on vous sert une omelette, vous la trouvez merveilleuse. Alors la vraie omelette de Madame Poulard, je ne suis pas tout à fait sûr qu'aujourd'hui on la digérerait, parce que une vieille amie à moi me disait que, en fait, Annette Poulard, elle mettait des copeaux de beurre en permanence pendant la cuisson. Et ça devait être un peu lourd. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une omelette soufflée en quelque sorte, donc c'est beaucoup plus léger. Voilà. Après mais cette omelette que faisaient les voyageurs, ils dormaient une nuit au Mont ? La plupart des visiteurs, des voyageurs au 19e, effectivement, dormaient dans le Mont. Alors, ils venaient au Mont, quelques dizaines de milliers de voyageurs, de visiteurs. Et l'explosion touristique, elle est venue beaucoup plus tard. Elle est venue avec déjà l'arrivée du chemin de fer au début du siècle, qui a facilité l'accès au Mont. Et puis elle est venue dans les années 60 avec l'automobile. Et le développement du tourisme a fait que le Mont est devenu beaucoup plus facilement accessible. De la mère Poulard dans cette grande rue? Alors, ici, dans l'ensemble du Mont-Saint-Michel, nous avons 6 boutiques. Et après, en restauration hôtellerie, je ne pourrais pas vous dire exactement. Et donc, c'est la mère Poulard qui maintenant concocte non seulement des omelettes, mais des gâteaux, c'est des ça, caramels. Gâteaux, produits gourmands, tout ce qui est cidre, vin. Elle s'est diversifiée, la mère Poulard. Voilà, elle s'est diversifiée, on est d'accord. Merci. Merci. Il y a quelqu'un dans le jardin. Souvent on ne me voit pas. Ah on bon fait que passer. Vous avez l'impression d'être un peu l'homme invisible. Les gens passent, mais vous pouvez rester tranquille dans votre jardin. Non, et on peut être dans les jardins sans être aperçu de qui que ce soit. Vous n'êtes pas dérangé? Non, pas du tout. Nous ne vous dérangeons pas non plus. Non, non, vous ne m'embêtez pas. J'ai vu qu'il y avait un immense trousseau de clés, mais à terre, là-bas. Oui, ce sont les clés du jardin qui ouvrent certaines portes de l'abbaye également. Mais vous n'êtes pas propriétaire de l'abbaye? Non, je travaille à l'abbaye, je suis logé ici. Et comme je n'ai pas de voiture, pour passer le temps, je m'occupe des petits jardins. Et j'adore ça. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces petits jardins? C'est beaucoup de nettoyage et beaucoup d'entretien. Pourquoi de l'entretien? Parce qu'il y a beaucoup de feuilles, la terre est très sèche, donc il faut régulièrement arroser. Et là, le point d'eau le plus proche est à 200 mètres. Au milieu de la foule, avec 2 arrosoirs, et quand on se tape 2 escaliers, ce n'est pas toujours évident. Qui vient dans ces jardins? Personne. Je suis le seul à avoir la clé. Sinon, ils seraient saccagés. Ils sont jolis à regarder de l'extérieur. Sinon, chacun cueille une fleur et je n'ai plus de jardin au bout d'une semaine. Et les moniales et les moines ont également leur potager? Ils ont leur potager, leur jardin, au pied des logis abbatiaux, sur la façade sud. Et très souvent, les jardins ne les devinent pas lorsque l'on passe, ne serait-ce qu'à 1 mètre. Ils sont protégés par des murets. Et très souvent, ce sont des jardins clos. De petites parcelles, closes et superbes. Tous les jardins étaient des potagers. Et on estime qu'un tiers de l'espace est occupé par des jardins, un tiers par le village et un tiers par l'abbaye. Et au XVIIIe siècle, les jardins du Mont-Saint-Michel étaient connus pour la qualité de leurs melons et de leurs vignes. Là, nous avons des petites fenouilles. Des fenouilles, des tomates, des courgettes, quelques fraises. Et à qui offrez-vous ces laitues? J'en offre quelques-unes à des Montois. J'en ai offert une ce matin à Colette Lecard qui tient un commerce ici. Parce que vous vivez ici? Oui. Et vous vivez dans une maison qu'on peut apercevoir? Un peu plus bas. Vous êtes un des derniers habitants? Peu de personnes continuent à y vivre? 25 habitants à peu près. On peut être propriétaire d'un fonds de commerce sans pour autant passer une seule nuit de toute l'année sur le rocher. Vous les comptez parmi les 25? Non. D'accord. 25 habitants permanents et 100 qui ne font que passer. Il y a beaucoup de religieux. Ils sont 15 à peu près à la communauté. Et donc, vous retirez donc ces quinzaines de personnes, il reste 10 personnes? Il reste une dizaine de personnes à peu près. Où vivent les 10 derniers habitants? Alors, les 10 derniers habitants vivent essentiellement entre l'abbaye et la rue principale. Et certains aux Faniles. Les Faniles, c'est ce grand bâtiment que l'on aperçoit sur sa gauche lorsque l'on accède au Mont-Saint-Michel, qui est occupé en partie par la gendarmerie. Et chacun se reçoit ici. Hein. On n'a que ça à faire, bien sûr. Donc, pas besoin de sortir du Mont-Saint-Michel? Non, ou très peu. Je sors un jour ou deux par semaine. Et avec qui discutez-vous ici? Très souvent avec les rares habitants ou des collègues de travail. Et je préfère mille fois habiter au Mont-Saint-Michel qu'à Pont-Orson, à 10 km. Dites que vous habitez à Pont-Orson près de la gare, vous ne verrez personne. Alors que si vous dites que vous habitez au Mont-Saint-Michel, votre carnet de balles sera rempli tous les soirs. Il faut recevoir, non? On ne peut plus partir une fois que l'on est chez vous. C'est très accessible, voyons. Pas tous les soirs. Ce n'est pas une île. C'est une île 20 jours par an et 2 ou 3 heures par jour. Il faut bien s'aimer quand on est 10 sur le Mont-Saint-Michel. C'est assez amusant ce que vous dites parce que le Mont-Saint-Michel, c'est un bateau. Tout le monde rêve de passer une nuit ou deux au Mont-Saint-Michel. Mais quand on sait que sur quelques hectares passent chaque année 2,5 millions de visiteurs, ça passe ou ça casse. Et ce n'est pas du tout de la complaisance, mais on apprend à vivre avec les autres. C'est pour ça que vous n'étiez pas du tout gêné du flot de personnes qui passaient sous votre nez. Si on est agoraphobe, ce n'est pas au Mont-Saint-Michel que l'on réside. Ici, on voit un concentré d'humanité que l'on ne verrait pas ailleurs. On est un peu comme un collectionneur d'insectes au Mont-Saint-Michel. Et c'est sans se moquer des visiteurs. Il y a les gisants et les orangs. Ceux qui se couchent et ceux qui sont à genoux. Qui ne font que passer. Au revoir, je ne connais pas votre nom. Au revoir Jean-Marc. À bientôt. Je vais faire les visites historiques dans la journée. Le spectacle et les entrées des cachots, les prisons, le périscope, les oubliettes, les tortures, l'enlisée des sables mouvants. La visite historique, le pont à la mer, les personnes qui désirent faire le tour, ça démarre dans un instant. Avec le billet, on peut tout voir. Les quatre musées sont ensemble. Je vais faire les visites dans l'après-midi. Profitez. Ça va démarrer dans un instant, les quatre musées, les cachots, les personnages, le périscope, le spectacle sur l'histoire. Je vais faire le tour organisé dans l'après-midi. Avec la poussette, on peut. Hein. Vous avez un départ dans moins de 2 minutes. Nous nous approchons donc d'une première étape qui est cette église Saint-Pierre. Célébration en cours. Ah ben, non, pas circuler, merci. Cette église paroissiale semble à l'ombre de l'immense abbaye bien plus modeste. Oui, c'était la paroisse des habitants du Mont. Hein. Le Mont, c'est une abbaye et un village, reconstruite en grande partie au 15e et 16e siècle. Elle abrite depuis la fin du 19e le culte de Saint-Michel, après 1870 et le traumatisme de Sedan et de la guerre avec la Prusse. On essaye de relancer ce culte de Saint-Michel, le protecteur de la France. Et donc, pour les pèlerins, c'est l'église Saint-Pierre qui devient, en quelque sorte, la basilique, au sens juridique du terme, le lieu où on prie Saint-Michel et elle l'est encore aujourd'hui. L'église Saint-Pierre est vraiment le lieu du culte, et ce depuis le 19e siècle. Bonjour. Voilà, bonjour. Père Henri. Bonjour. J'ai voilà. Oui. Père Hinton. Plutôt Père Hinton. Chapelain du sanctuaire. Voilà. Attaché au sanctuaire. Chapelain. Chapelain. Donc le chapelain, celui qui s'occupe de la chapelle. Ah, on vient vous voir, je crois. Ah oui. Ouais. Ben, ça passe tout le temps et ça repart. Voilà. Ouais. Dès qu'il y a une porte ouverte au Mont-Saint-Michel, on rentre. Oui. Alors, ça peut être dans votre chambre, hein. Ça vous arrive? Non, les chambres sont à l'étage. Mais c'est pour dire que la différence des pièces, il n'y a pas. Une porte ouverte, on rentre. Alors, si c'est un magasin, ça va. Bon, et là, c'est la sacristie. Père Hinton, c'est pas que vous êtes prête de porter une chemise en jean. Ah, oh, c'est pas grave, ça. Justement, comme ça, j'entends les critiques aussi. Comme ça, j'ai des bonnes surprises. Bonnes surprises. C'est comme ça, j'ai toutes les réflexions. Les agréables et les désagréables. Qu'est-ce qu'on dit de vous? Alors, quand ils me voient en homme après-midi, oh, c'est le curé, tu vois. Voilà. Non, c'est bien. Puis les gens me connaissent. Alors, tout à l'heure, j'avais des bénédictions. Les gens disent, vous allez voir, il a une queue de cheval, le père Henri. Bon, l'autre jour, il y a des gens qui me cherchent, puis ils viennent me dire, c'est pour bénir. Je dis, mais comment vous savez que je suis prêtre? Mais la dame du magasin m'a dit, vous regardez dans l'église, il a une queue de cheval, il sera dans le fond. Donc, ils sont venus, ils ne se sont pas trompés. Oui, bon, bien sûr, ça, c'est les grands débats aujourd'hui. S'il avait une tenue, est-ce qu'on le reconnaîtrait? C'est vrai, mais bon, est-ce qu'on... Bon, je trouve que ça... Celui qui cherche, il trouve, voilà. Je bénis toujours avec une étole, par contre. Donc, je bénis ici, les gens viennent, ou à la fin de la messe, je bénis les objets, les chapelets, les médailles, voilà. Est-ce que vous bénissez des couples précédemment divorcés, par exemple? Ah, mais j'en sais rien, ça. J'en sais rien, moi je bénis, quand l'autre jour quelqu'un m'a demandé de bénir une alliance, ils ont entendu, est-ce qu'on peut bénir l'alliance? Bon, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème, hein. Donc on bénit bien des chiens, des chats, des voitures, des motos, je ne vois pas pourquoi je ne bénirais pas une alliance. Et puis à ce moment-là, la personne qui était à côté s'est approchée, a pris la main et avec l'alliance, et j'ai béni. Et après j'ai bien compris qu'il s'était passé quelque chose, ils se sont embrassés et... Ils ont éclaté en larmes, donc je me suis dit, c'est un couple recomposé, je ne sais pas trop quoi, mais enfin, ce n'est pas à moi de juger, mais ça s'est trouvé comme ça, hein, je crois que c'est ça qui est important. Alors ils sont repartis heureux, ils m'ont remercié, bon. Vous nous montreriez votre église? Voilà, on va suivre. Parfait. Bon. L'aimer, votre église? Ah ben, j'y passe des heures, alors je ne peux que l'aimer. Voilà, j'ai ma stalle dans le fond là-bas. C'est là-bas, auprès du bénitier. Voilà, c'est là-bas que je me mets, que j'observe. Père Henri Gémier, est-ce que Saint-Michel rapporte un petit peu à l'église? Ah, c'est pas une question de rapport. Oh là là, si on commence comme ça, on n'en sort plus. Oh non, les gens mettent ce qu'ils veulent. C'est vraiment la dévotion des gens. Souvent, c'est un peu spontané, c'est pour ça que c'est surprenant. Il y a des jours où il y a des bougies, puis il y a des jours où il n'y a pas. Hein. Il y a des fois, je regarde, là, c'est tout ça, c'est en italien, en japonais. Voilà. Voilà. Saint-Michel, aide-nous dans toutes les difficultés de la vie, et de ma famille, et mes proches. C'est surtout une aide, un accompagnement. Protège la famille, pour toute ma famille, surtout pour ma fille Annoncella et mon petit-fils, qui ont perdu... La petite Lisa a 16 ans et 4 mois, il y a tout juste 2 ans. Priez pour nous et veillez sur nous. Ben les gens, c'est une façon d'associer leur peine à... Ouais. Non, la prière, elle est toujours portée par quelqu'un. Là, elle est portée par Saint-Michel, puis il y a l'histoire, il y a la transcendance. Ça fait quand même 1000 ans qu'on vient ici. Hein. C'est pas un saint récent, hein. C'est comme une transcendance. Ça a traversé le temps. Merci. Père Henri Gémier, Père Hinton, c'est comme ça. Voilà, vous on m'a toujours appelé comme ça. Au fond, il faut interviewer le pèlerin qui demande à Saint-Michel. Hein? C'est-à-dire, on demande de remettre en chose ce qui va pas sur, dans le travail, dans le quotidien. Ça remet en ligne. Vous venez de loin? Vous êtes de la région? Du coup, la région de Saint-Loup. Saint-Loup. À peu près 100 km, à peu près. À pied? Ah non, je fais 10 km à pied quand je viens ici. Et je fais mes prières en même temps. Je pense à Saint-Michel tout le long de ma route. Et pourquoi Saint-Michel ? C'est lui le patron. J'ai démarré par d'autres saints et puis à la fin, j'ai affaire au chef. Vous dormez ici ? Ah non. Non, j'ai des vaches à traire. Ah oui. Des vaches à traire, il y a du boulot après. Vous priez pour vous et puis pour d'autres ou... Ben, surtout pour rester sur ma ferme, pour récupérer... Parce que j'aurais pas venu ici, j'aurais perdu ma ferme, j'aurais perdu mon boulot, j'aurais tout perdu. C'est pour garder tout mon bien. Voilà, protection. Voilà. La protection contre tellement de choses difficiles. Je compte sur Saint-Michel pour me protéger. Il vous donne du courage. Ouais. Aussi. La force du courage. Merci. Saint-Michel, Saint-Michel-du-Mont, est un saint archange relativement sévère qui veille à ce qu'on ne lui manque pas de respect. Et un certain nombre des miracles sont justement des rappels à l'ordre assez sévères de l'archange envers tous ceux qui ont été oublieux de leurs devoirs, de leurs promesses de venir au sanctuaire ou ceux qui se sont moqués des pèlerins. Que se passe-t-il ? Ils sont frappés de paralysie, ils sont frappés d'aphasie. Il meurt parfois. Donc c'est effectivement, on classe ça comme un miracle. Il y a en 1457 un petit enfant qui est de la région de Liège dans l'actuelle Belgique qui voulait partir en pèlerinage au Mont-Saint-Michel. Ses parents l'ont enfermé, ne voulant pas qu'il parte à l'aventure. Et le lendemain, ils l'ont retrouvé mort en signe de prière, en geste de prière. On a considéré que c'était un miracle. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on considérerait que la mort d'un enfant auquel on s'est opposé, la mort mystérieuse d'un enfant, soit un miracle. Sur ces chemins de pèlerinage, on se dirige donc vers un saint qui combat le mal ou le malin. Mais j'imagine qu'au fil des siècles, cette idée du mal ou du malin change. Oui, tout à fait. Puisque quand on combat le mal, il y a toujours une identité portée différente sur le mal. Suivant les époques, à la fin de la guerre de Cent Ans, effectivement, l'archange Saint-Michel devient l'un des saints protecteurs de la monarchie capétienne et déjà à la suite des Valois. Donc c'est vraiment une figure nationale contre les Anglais. C'est une image forte et récurrente de Saint-Michel, patron des Français contre les Anglais. Et un siècle plus tard, en période troublée, plus que troublée, que constitue la période des guerres de religion, en fait, la lutte contre le mal, c'est la lutte contre le protestantisme. Et on voit un développement du culte à Saint-Michel, de pèlerinage collectif, en remerciement de la victoire de la foi catholique sur le protestantisme. Et c'est l'époque où, en fait, Saint-Michel ne triomphe plus d'un dragon, mais d'un démon qui est en partie une figure humaine. Il y a une sorte de personnification du malin. C'est plus simplement le bon vieux dragon qu'on ressort comme tout monstre terrassé par la figure de l'Église. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant que l'on va retrouver tout simplement au XIXe siècle. Saint-Michel, c'est le saint patron des légitimistes contre la Révolution. Un visage féminin, une tunique au 10e, 12e siècle, des ailes et puis peu à peu une cuirasse. Un visage d'ange, puis une cuirasse. Alors, l'archange Saint-Michel a une particularité. Il joue plusieurs rôles. Dans l'Apocalypse, il est le prince de la milice céleste. Donc c'est le combattant, le guerrier, qui a réussi à terrasser le mal. Le mal, Satan, le dragon. Mais aussi, on le représente sous l'influence un peu de certaines religions orientales, comme celui qui accompagne les âmes des morts dans le paradis. Hein, on appelle ça le psychopompe, hein, celui qui conduit les âmes pour qu'elles ne soient pas, j'allais dire, attaquées pendant leur séjour en allant vers les lieux de paix et de sérénité. Et puis aussi, on l'a considéré comme celui qui pèse les âmes au moment de la mort. Et souvent, sur les tympans des cathédrales, on le voit représenté avec une balance. Il met les bonnes et les mauvaises actions dans le plateau de la balance. Et puis, il convient que le plateau des bonnes actions l'emporte. Et souvent d'ailleurs, si on regarde bien ces tympans qui sont faits avec beaucoup d'humour d'ailleurs, on voit que le diable est présent et qu'avec le doigt, il essaie de fausser la pesée des âmes. Hein. Mais l'archange Saint-Michel veille à ce que ceux qui ont mérité d'aller au paradis y aillent. Mais cette société féodale des 9e, 10e, 11e, 12e siècle est une société guerrière où le chevalier occupe une place très importante. L'archange Saint-Michel va être valorisé comme le combattant céleste et on va l'imaginer dans la tenue de l'époque. Pour ça qu'on le voit en cuirasse. Hein. À l'époque de Jeanne d'Arc, eh bien, on peut dire que l'archange Saint-Michel est représenté comme était Jeanne d'Arc lors du siège d'Orléans, en cuirasse, avec le casque. Il ne manie plus la lance parce que ce n'est plus de mode. Il a un bouclier en forme d'écu et il manie maintenant une épée. On les vit pour la première fois en 1333. La guerre de 100 ans se préparait. Saura-t-on jamais pourquoi 30 000 gamins, dont certains n'avaient pas 9 ans, se mirent en route? Aussi n'était-il pas rare de rencontrer par les chemins des petits garçons de 10 à 12 ans et au-dessous, qui se rendaient par bande à un pèlerinage, quelquefois lointain, en vivant d'aumônes et en chantant des cantiques. Les uns venaient en bande, les autres isolément. Beaucoup affirmaient avoir entendu des voix spirituelles qui leur disaient « Va au Mont-Saint-Michel !» Et alors l'ardeur du désir les faisait trembler de tous leurs membres. Ils laissaient dans les champs leurs habits et leurs troupeaux et aussitôt se mettaient en marche sans informer ni maître ni parents. Les Miquelots peuvent être tout à chacun, mais y compris des personnes d'origine modeste et même parfois des enfants. À quelle époque les enfants traversent la France pour se rendre au Mont-Saint-Michel ? Il y a aussi des pèlerinages très importants au Mont-Saint-Michel qui se sont passés avant la guerre de Cent Ans et à l'issue de celle-ci. Les fameux pastoureaux, c'est ça ? C'est ça. C'est le nom qu'on leur a donné dans la littérature. Mais ce sont des pèlerinages d'enfants qui sont partis généralement sans l'autorisation de leurs parents ou tout au moins sans avoir à la demander puisqu'un désir impérieux les pressait à aller prier l'archange et à traverser l'Europe, puisque nombre d'entre eux venaient du monde germanique, de l'actuelle Allemagne, et au-delà, donc, dans la Pologne actuelle, mais venaient aussi du Midi de la France, du Toulousain, ce qui intriguait véritablement les responsables de l'époque, civils et religieux, en se demandant tout simplement si c'était Dieu ou le diable qui les inspirait, et s'il fallait autoriser les enfants à partir. Qu'est-ce qu'on allait faire si la jeunesse partait dans un pays étranger et ne revenait pas ? Si vous aviez vécu au Moyen-Âge, vous auriez été témoin d'un phénomène incroyable et mystérieux. Des ribambelles d'enfants et d'interminables processions traversaient la baie pour vénérer l'archange. Reste une énigme. Était-ce le temps des croisades ? Jeanne d'Arc était elle-même pastourelle, c'est-à-dire bergère. Était-ce prêche enflammée de quelques belliqueux entendus dans les campagnes ? Il advint l'an 1320 qu'il fut en France si grandement de pastoureaux et de menus gens qui disoient qu'il vouloit aller en la Terre Sainte contre les Sarrasins, que ce fut merveille, et firent moult de mots à juifs et autres gens dont on entendit plusieurs, et les autres s'enfouirent en divers lieux. On n'a pas le mot de croisade, on a des pèlerinages d'enfants individuels ou en groupe. On en a dans les miracles du Mont en 1333, il y a toute une série. Est-ce que c'est simplement la documentation qui fait que c'était conservé à ce moment-là? Ou que c'est dans un mouvement d'un anniversaire de la mort du Christ en l'an 33? On n'en sait rien. Par contre, il est possible que le pic en 1455-57, en fait, c'est 2 à 3 ans après la chute de Constantinople. Dans l'imaginaire collectif, il y a pu y avoir la nécessité de faire quelque chose pour entraîner l'opinion. Et peut-être que c'est venu simplement par les enfants. Quelques années avant, il faut penser par exemple qu'en 1429, Saint-Michel est l'un des trois saints qui apparaît à Jeanne d'Arc. Dans une situation plus que de crise pour la monarchie capétienne, c'est aussi l'époque où l'iconographie de Saint-Michel change. On ne le représente plus en ange ou en archange, en aube. En fait, on le représente en chevalier et en armure. Et il faut savoir, par exemple, qu'au lendemain de la guerre de Cent Ans, Louis XI va fonder l'ordre de Saint-Michel, qui est un ordre de chevalerie, dont la tradition dit que la première réunion aurait eu lieu au Mont-Saint-Michel. Dédié à l'archange Saint-Michel, nous disons archange, donc par définition, Saint-Michel n'a pas de vie matérielle, c'est un ange. Tout à fait, c'est un être spirituel, sur lequel d'ailleurs les pères de l'Église se sont beaucoup interrogés pour savoir s'il était incorporel ou non corporel. Ils en déduisent que c'est un être spirituel corporel, pour qu'il y ait une différence entre la création et la les anges et archanges créés et Dieu lui-même qui lui est incorporel. Donc il ne peut pas y avoir de prélèvement de reliques. Saint-Michel est un saint vraiment particulier puisque c'est un pèlerinage alors qu'il n'y a pas de reliques de l'archange. On va prier un être immatériel qui, même si on a besoin de reliques matérielles comme support de la dévotion au Moyen-Âge, il y avait simplement au mont deux petites reliques qui venaient du Monte Gargano depuis la fondation. Un fragment du rocher sur lequel l'archange aurait gentiment laissé l'empreinte de son pied et un fragment du manteau qu'il aurait laissé au Monte Gargano, qui était dans des reliquaires qui ont disparu comme les reliques lors de la Révolution. On va trouver peu à peu quantité de reliques. Il faut absolument pouvoir attirer les pèlerins. Ici, ah oui. Ah. Toutes sortes de reliques, même des reliques de saintes. Oui, on va, trouver des moyens très ingénieux pour faire venir les pèlerins. Parce que grâce à eux, on va obtenir un petit peu d'argent pour entretenir les bâtiments ou pour reconstruire des édifices qui se sont écroulés ou qui ont brûlé. Donc, faire venir des pèlerins, c'est véritablement le rêve de toute abbaye et même de toute cathédrale. Alors, on fait venir des reliques de partout, évidemment. Il y a un trafic des reliques. Je vous signale que le vol des reliques est le seul autorisé par l'Église, parce que si un saint se laisse voler, c'est qu'il estime ne pas être bien honoré dans le monastère d'origine et qu'il espère que ceux qui l'ont volé lui assureront davantage le culte qu'il mérite. Et il y a des reliques que l'on fabrique de toutes pièces. Hein, ce sont des morceaux de vêtements, des morceaux d'ongles, des morceaux de cheveux, des morceaux de tissus, des feuilles d'arbres, ce qu'on appelle le lait de la Vierge. C'est de la craie grattée dans la grotte de Bethléem que l'on a mis dans une ampoule avec de l'eau, donc ça forme une sorte de lait, et on appelle ça le lait de la Vierge. Hein. Mais c'est pas, évidemment, c'est figuré, c'est une métaphore. Et bon, si on trouve un endroit où la craie est bien blanche et qu'on peut gratter un petit peu, et ben on peut en faire une relique supplémentaire. Hein. Quelquefois, le scrupule ne dérange pas tous les moines en mal de relique. Que parfois les cloches servaient peut-être à indiquer une direction aux pèlerins qui passaient par les sables et la baie. À la Révolution française, les cloches de l'abbaye ont été presque toutes fondues, comme dans toutes les églises de France, on avait besoin de bronze pour faire des canons. Et on a laissé dans tous les clochers de France une cloche pour sonner le tocsin en cas de guerre ou en cas de feu, bien sûr. Et à l'abbaye, on a laissé une cloche. Et elle existe encore, elle est là-haut dans le clocher. Et cette cloche, on l'appelle la cloche des brumes, parce que jusqu'au début du XXe siècle, lorsque les pêcheurs étaient dans la baie et que la brume envahissait la baie, eh bien on faisait teinter cette cloche pour qu'au son de la cloche, ils arrivent à s'orienter. Hein, quand on est dans la baie et que la brume arrive, elle arrive subitement, de grandes nappes de brume, ça m'est arrivé plusieurs fois, et vous êtes tout d'un coup dans une purée de poids, vous ne voyez rien. Alors avec un peu de chance, moi ça m'est arrivé, j'ai suivi les traces de mes pas, en marche arrière, j'ai fait demi-tour, mais à certains moments, il n'y avait plus aucune trace, et donc c'est la cloche qui servait à s'orienter. On était monté sur les toits, et là on descend dans les profondeurs de l'abbaye romane, et je vous emmène voir la partie la plus ancienne de l'abbaye, qui est cachée au cœur du monument, l'église Notre-Dame-sous-Terre. Qui est juste en dessous de la nef. Oui, dans le sol de l'église, il existe deux trappes qui permettent d'accéder aux tribunes de Notre-Dame-sous-Terre. Honnêtement, je les ai empruntées à plusieurs reprises, mais c'est rempli de poussière, de toiles d'araignée. Je préfère prendre un excès du côté. Voilà, exactement ce qu'il fallait. Voilà, L'abbaye apparaît comme un gigantesque labyrinthe, fruit de mille ans de construction, d'effondrement, de remaniement. Mais au cœur de l'abbaye romane, qui a été édifiée au XIe, XIIe siècle, se cache effectivement un édifice plus ancien. C'est donc là où nous sommes. Nous sommes donc en dessous de l'église et au ras du rocher. Alors, cette église a été adossée au rocher et elle a été construite au Xe siècle pour servir probablement à l'usage des pèlerins. En fait, il y a deux nefs et on pense que ça servait tout simplement aux messes qui étaient célébrées ici toute la journée pour les pèlerins et pour les donateurs. Hein, les moines vivent des revenus de leur domaine et pour obtenir des domaines, ils se sont engagés à dire des messes pour les défunts. Il y a donc deux nefs, deux autels, et puis des tribunes. Et ces tribunes, placées au-dessus des autels, elles servaient vraisemblablement à l'exposition du trésor. On pense que les reliquaires étaient, il y a 1000 ans, exposés sur ces tribunes. Et ainsi, les pèlerins voyaient les reliques en hauteur, mais ne pouvaient pas tout simplement les voler. Qu'est-ce qu'on demande à ces reliques ? Eh bien, les motivations des pèlerins, elles sont variées. Il y a des guérisons. Mais il y a aussi et surtout la peur de l'enfer. Et si on vient voir l'archange, qui est le gardien des portes du ciel, mais aussi le peseur des âmes, c'est évidemment en pensant à l'au-delà. Et j'ai envie de dire que le pèlerinage au mont à travers l'Occident, c'est une répétition avant un autre voyage, qui est la mort. En gros, on vient prier Saint-Michel dans l'espoir qu'au jour du jugement, qu'au jour de la comparution devant lui, le juge, on soit sauvé. on achète en quelque sorte, en venant en pèlerinage au Mont, la garantie, l'assurance du paradis. Il faut imaginer qu'il venait à cette époque quelques dizaines de milliers de pèlerins par an, ce qui, si on rapporte à la population de l'Europe, est énorme. Mais on a aussi, au Moyen-Âge, des pèlerins qui font un voyage par piété, mais aussi par souci de découvrir le monde, qui collectionnent en quelque sorte les indulgences délivrées par les différents sanctuaires et qui font ainsi un tour du monde. On a différents témoignages très précieux de Français et puis d'Allemands aussi, qui ont fait vraiment une sorte de tour du monde, allant en Terre Sainte, revenant par Saint-Jacques, passant par le Mont-Saint-Michel, puisqu'on a retrouvé des enseignes de Saint-Michel en Angleterre, aux Pays-Bas, en Scandinavie, en Allemagne, souvent dans des milieux aqueux, dans des milieux humides. Il n'y a pas de texte là-dessus, peut-être un petit peu un rite propitiatoire, comme encore aujourd'hui à la fontaine de Trévis ou à Rome. Propitiatoire. Pour se protéger, en fait, et demander, en fait, une grâce, une protection du ciel. Il n'était pas toujours bien vu de partir en pèlerinage. Les pèlerins étaient souvent aussi des colporteurs qui vivaient de la revente, des petites babioles qu'ils avaient achetées au sanctuaire, des petits livrets, des chapelets, des images, voire de littérature de colportage. Donc il est évident que la monarchie absolue n'aime pas trop la littérature de colportage qu'on se vend sous le manteau. Vous pouvez officiellement vendre de la littérature pieuse et vendre aussi toutes sortes de publications sans autorisation d'impression du roi. C'est surtout à partir de l'époque moderne, du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, qu'il y a un retournement de valeur dans le regard que la société porte sur le pèlerinage en général et sur les pèlerins. À partir du XVIIe siècle, au lendemain du Concile de Trente, il y a une spiritualité différente où on va privilégier le pèlerinage intérieur. Il n'y a plus besoin d'aller sur le terrain, dans les sanctuaires, pour prier et faire sa dévotion interne, intérieure. Et à partir de là, on va considérer que ceux qui vont sur les chemins sont des gueux, est un parasite qui vit au crochet de la société. Et les gueux, on en fait quoi? On les enferme. Vincent Juel, Xavier Bailly, François Saint-James, un jardinier céleste, Pierre Boué et Père Riton. Nous remercions l'accueil chaleureux de Père André Fournier. Lecture, Sophie Verbeck. Prise de son, Olivia Granger. Attachée d'émission, Marie-Vonne Abolivier. Au mixage, Bernard Laniel. Les chemins du paradis, une émission signée Nejma Boikra, réalisée par Laurent Pollery. Coordination, Perrine Quévran.